Vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et peut-être vous écoutez-nous sur votre iPhone ou peut-être à partir de votre ordinateur. La technologie nous entoure et fait partie intégrante de nos vies. Cependant, au rythme effréné où se développent sans cesse les nouvelles versions plus récentes et plus performantes de tous nos gadgets électroniques avec une caméra de plus haute qualité, nos outils sont rapidement désuets et nous voulons donc avoir le nouveau gadget. Mais à ce moment-là, que faire de notre ancien gadget ? Le mettre à la poubelle ? Notre chroniqueur Nicolas Garceau va nous indiquer que c'est peut-être pas la bonne voie à suivre. Bonjour Nicolas. Bonjour Valérie. Ouais, en effet, mettre vos gadgets électroniques à la poubelle, c'est vraiment la dernière chose à faire. Juste pour vous donner une idée, un portable contient environ entre 500 et 1000 composés différents. Une grande partie de ces composés-là contiennent des métaux lourds et aussi d'autres substances chimiques dangereuses comme les retardateurs de flamme bromés, les éthers diphényliques polybromés, les fameux PBDE. Ah, je me disais, ils ont peut-être un petit nom plus sympathique. Ouais, PBDE, c'est plus facile. Ouais. Ces substances chimiques-là génèrent justement une pollution là, très importante. Il faut absolument éviter de les envoyer à la poubelle si on ne veut pas courir le risque de contaminer les sols et l'eau qu'on boit, entre autres. Donc finalement, on est mieux de se débarrasser de nos déchets électroniques en allant les faire recycler. Oui, c'est une excellente idée. D'ailleurs, je voulais en profiter justement là, pour souligner l'effort que Recycle Québec, en partenariat avec Bureau en Gros et les CFER, les Centres de formation d'entreprises de récupération, ont fait un partenariat pour récupérer les produits électroniques, les déchets électroniques, et ont détourné à peu près 1000 tonnes de déchets par an depuis déjà quelques années. Ces déchets électroniques là sont désassemblés mais envoyés dans des fonderies où on récupère les métaux précieux qui y sont présents. Mais c'est une belle initiative, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose en dessous, que c'est juste la pointe de l'iceberg. Oui, en effet, malgré la réglementation tant au Canada qu'en Europe, étant donné le laxisme réglementaire aux États-Unis, il n'y en a vraiment pas beaucoup, la majorité des déchets électroniques sont envoyés dans des pays en développement. Ironiquement, la Chine, la grande productrice d'appareils électroniques, reçoit également énormément de déchets en provenance de l'Occident. Ça fait un aller-retour. Et oui, tout à fait, ça fait le chemin inverse. Le scénario le plus classique, c'est des conteneurs pleins à ras-bord d'écrans cathodiques, de circuits imprimés, des fils électriques, des cellulaires sont débarqués, ils se retrouvent au beau milieu du village, qui sont maintenant des grandes décharges à ciel ouvert là, de produits électroniques. Seulement pour le village de Guiyu en Chine, qui est un des plus importants décharges, on estime environ 1 million de tonnes venant du Canada, des États-Unis, du Japon et de la Corée, et ce, par an. Le gros problème, c'est que il s'est développé par rapport à ça un véritable commerce parallèle, underground de l'électronique. Les gens récupèrent de façon artisanale les métaux et vendent les métaux aux ferrailleurs. Peut-être pas dans des très bonnes conditions non plus d'ailleurs. Non, en effet, puisqu'on dit artisanal, on parle de méthode du bord. La méthode la plus simple est de faire tout brûler dans un grand feu, souvent alimenté par un vieux pneu, pour que tous les revêtements de plastique, des fils, des circuits soient fondus. Puis on peut récupérer les fils facilement avec un vieil aimant d'eau-parleur. C'est facile avec cette méthode. Le problème, c'est qu'en brûlant les plastiques comme ça, on libère énormément de polluants, dont peut-être le plus dangereux de tous, les dioxines. Les dioxines sont extrêmement toxiques. C'est quelques microgrammes seulement, là, ça peut affecter notre santé. Des effets là, peuvent être assez divers. Une brève exposition à des fortes concentrations, c'est-à-dire une exposition aiguë. Les dioxines peuvent entraîner des lésions dermiques, ce qu'on appelle la chloracné. Mm-hmm. C'est vraiment une défiguration. Ou l'apparition de tachons, mais également des dysfonctions hépatiques, donc dysfonctions du foie. Un bon exemple là, de chloracné, pour vous donner une bonne idée, c'est l'ancien président de l'Ukraine, Viktor Yushchenko, qu'on a tous entendu parler. Il a été défiguré sur une tentative d'empoisonnement. C'était à la dioxine. Avec des dioxines? Oui, ah, okay. C'était avec des dioxines. Et il y a des images là, facilement sur Internet. Là, on peut voir, c'est assez intense. Ouais. Pour une exposition plus longue aux dioxines, donc une exposition chronique, comme les recycleurs de produits électroniques, malheureusement, les effets sont encore plus désastreux. Ils risquent si on veut un beau gros package deal, là, dégradation du système immunitaire, du système nerveux, mm-hmm. du système endocrinien, puis même des troubles de reproduction. Mm-hmm. Puis ça ne doit pas juste concerner juste la personne qui fait non, le travail, parce non, que j'imagine non. que c'est fait assez ouvert, donc tout le monde en profite. Exact. Juste un bon exemple de ça, là, dans le village de Guiyou que je parlais tout à l'heure, là, 88% des travailleurs souffrent de problèmes neurologiques, respiratoires, digestifs et même des problèmes de peau. Les taux de fauche-couche sont supérieurs à la moyenne. Les travailleurs, dans le fond, ils cassent les composants électroniques à main nue pour récupérer les composants réutilisables, les métaux précieux, l'or, l'argent. Ils font chauffer pour les circuits imprimés pour retirer les soudures, des choses comme ça, brûler les câbles pour les métaux, comme tu parlais. Et aussi, ils vont utiliser de l'acide très concentré pour récupérer l'or des circuits imprimés. Ils font les récupèrent avec l'acide, ils font ça sur le bord de la rivière. Ah ouais, donc ça va dans l'eau. Ça va dans l'eau. Les enfants sont exposés aux dioxines relâchées par les feux là, que je parlais. Et le sol, il est saturé de plomb, de chrome, d'étain et d'autres métaux. Dans le village de Guiyou, là, l'eau est plus potable. Ouais. L'eau est apportée par camion. Ah. Donc, c'est assez impressionnant. Là. Et même dans les sédiments, dans le sol, dans le fond, sur lequel on marche, les taux sont supérieurs, de deux fois supérieurs les taux de sécurité de l'Europe. Donc, c'est vraiment un gros problème. Ben oui, puis alors, ça me fait penser qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a passé du téléviseur analogique au numérique, donc ça a dû aggraver les choses. Il y a eu plein de nos écrans cathodiques sont partis. C'est une belle occasion de se débarrasser de notre vieil écran cathodique pour s'offrir le nouvel écran plat, et on le jette. Sans se poser de questions. Non, en effet, c'est des millions d'écrans cathodiques chaque année qui sont envoyés au rebut. Puis c'est une manne justement pour les récupérateurs, parce que le tube cathodique en tant que tel, le tube lui-même, a 20% de plomb. Mm-hmm. Et la soudure entre le tube et l'écran contient 70% de plomb. Donc les gens font fondre ces écrans, récupèrent le plomb. Mais malheureusement, là, comme je disais, c'est souvent fait avec les moyens du bord. En fait, la plupart du temps, les plats qui servent à faire fondre le plomb servent aussi à faire la cuisine. Ah. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Non. Avoir un petit fond de plomb dans son pudding chômeur ou quelque c'est chose comme terrible. Ça, c'est pas terrible. C'est justement, le plomb, c'est très dangereux, surtout que ça affecte particulièrement les enfants. Leur développement mental. Leur développement mental, oui. Ça peut causer un retard cognitif très important. Puis malheureusement aussi, les récupérateurs, c'est souvent des enfants. En plus, oui. Ceci dit, on envoie nos déchets là-bas. Est-ce qu'il y a des initiatives pour essayer d'enrayer ce genre d'exportation? Oui, il y a quelques initiatives. Aux États-Unis, il y a des compagnies qui essaient de récupérer au lieu d'envoyer à l'autre bout. Les déchets comme ça. Mais même de la bouche de ces personnes-là, ils disaient que c'est très difficile parce que, comme on dit souvent, là, le nerf de la guerre, c'est l'économie. C'est beaucoup plus payant d'envoyer les gros déchets dans des gros conteneurs que de les récupérer. C'est beaucoup plus facile. Il faudrait juste qu'il y ait un petit coup de pouce là, des autorités pour que ça devienne plus intéressant de les recycler. Surtout que, justement, ça contient quand même des bonnes quantités d'or, d'argent, puis les fameuses terres rares aussi maintenant dans les iPods et iPads de ce monde. Et ça reste finalement toujours plus rentable d'aller économiquement, les chercher, exploiter ailleurs. Et même environnementalement, ça resterait rentable de les récupérer que de faire une nouvelle mine. Mm-hmm. Mais ça prend un incitatif un de plus. Oui, peut-être que c'est parce qu'on ne paye pas le monde très cher là-bas aussi. Non, c'est un peu ça, puis il n'y a pas de réglementation non plus. Donc, c'est un peu, justement, on peut utiliser des acides sur le bord de la rivière. Donc, Donc, je comprends bien, finalement, il y a une mine de terres rares à exploiter dans nos mines de déchets. Exactement. Et on ne semble pas vraiment vouloir en tirer profit. On devrait, oui, en effet. Ouais. Ben, merci beaucoup, Nicolas. C'était très intéressant de nous éveiller, peut-être à nous conscientiser. On fera peut-être attention la prochaine fois quand on jettera notre prochain téléphone cellulaire. Oui, c'est bien. Alors maintenant, on s'en va en pause musicale. Vous écoutez toujours CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle de l'obésité et de la stigmatisation.